Chapitre 9. Voyage au paradis de Mahomet. Pendant que Roland descendait dans le fossé de Pampelune, Mahomet faisait sa sieste dans le paradis. Une houri avait roulé un nuage sous sa tête et il dormait près de la fontaine de Salsabil. Le premier coup du pommeau de Durandal avait réveillé le prophète. « Entrez ! » dit-il, et il se retourna mécontent d'être ainsi dérangé. Le second coup le mit de fort mauvaise humeur. Il sonna l'ange Namous et lui demanda qui se permettait de faire un tel vacarme. « Seigneur, dit le messager céleste, c'est encore ce Roland qui fait des siennes. Il a entrepris de jeter bas les remparts de Saragosse, et je ne puis m'empêcher de trembler pour vos croyants. « Voyons donc cela, dit Mahomet. « Je suis sûr que tu exagères comme à ton ordinaire, et mon brave Marsille n'est pas homme à se laisser prendre par un chrétien. » Le prophète descendit dans son observatoire et braqua sa lunette sur Saragosse. « Par le croissant, je n'en reviens pas, ce chien a des allures de demi-dieu. Je serais curieux de le voir de près. L'étiquette, les convenances ne me permettent pas d'aller le trouver. Vite, Namous, fais sceller Borak et descends auprès de Roland. Tu lui diras que j'aurai grand plaisir à lui parler. Va, et ne manque pas de me l'amener. » Le cheval du prophète se promenait en liberté sur la voie lactée. L'ange l'appela. « Venez ici, Borak. C'est assez brouté comme cela. Vous êtes trop gourmand et finiriez par vous faire mal. » Un picotin d'étoiles doit vous suffire. Il nous faut descendre sur terre, et vous pouvez à peine vous tenir sur vos jambes, si le prophète le savait. » Et l'ange, s'étant mis en selle, joua de l'éperon. Un quart d'heure après, ils avaient laissé Mars et Vénus derrière eux. Quand Namous mit pied à terre, Saragosse était prise, pillée et ravagée. Roland se demandait ce qu'il pourrait bien faire de sa soirée. L'ange s'approcha respectueusement et lui dit « Je suis Namous, l'envoyé et le confident du prophète. Le seigneur de la Kaaba t'a distingué entre tous les chrétiens et il désire ta venue. Réjouis-toi donc et suis-moi sans perdre un instant. C'est un grand honneur que me fait là ton maître et beaucoup de mes frères d'armes en sont plus dignes que moi. Tu lui porteras mes excuses et lui diras que je vis modestement, que j'ai mes dévotions à faire et que d'ailleurs je ne vais jamais dans le monde. » Le prophète aura lieu d'être surpris et blessé d'une pareille réponse et il me demandera la véritable cause de ton refus. Crains-tu de te laisser séduire par les beautés de son paradis? Si tu connaissais Aude, ma chère Aude, cette idée saugrenue ne t'aurait pas traversé la cervelle. As-tu peur d'un voyage aérien? Si je croyais trembler, je me mettrais en route. La peur m'est étrangère et ne m'effraie pas. J'en entends si souvent parler que je serais curieux de la connaître. Tu es là de ta journée, alors. Expose à mes coups un rival digne de moi, tu verras si l'on peut lasser Roland. L'ange s'inclina et s'apprêta à se remettre en selle. Les regards du comte Dumont se portèrent sur Borak, qui trépignait, piaffait, rongeant son frein, brisant les cailloux, impatient de regagner son écurie céleste. « Voici une belle bête, » dit-il émerveillé. Le fait est qu'on en vit rarement d'aussi belle. Borak était maigre, d'une taille élevée, fort de structure, et luisant comme le marbre que l'eau lave sans cesse, la robe safranée, un poil d'or pour trois poils fauves, les oreilles inquiètes et effilées comme le calam, les yeux gros et pleins de lumière, les naseaux ouverts et fumeux, l'étoile blanche épanouie au front, le cou d'une moyenne arcade, couronnée par une crinière souple et soyeuse à faire envie à une jeune fille, la queue longue et épaisse balayant le sol, la croupe luisante, l'échine grasse et frissonnante, la poitrine développée, le corsage long, le flanc court et uni, le ventre dégagé, le sabot fin et élevé, la corne lisse et noirâtre, des balsanes aux jambes, des pâturons entre le boulet et la couronne, le jarret nerveux de l'autruche, les genoux bien emboîtés et les veines saillantes. Le mors était d'or, la bride de soie, la housse de brocart aux glands et franges ponceaux. C'est la monture favorite du prophète, il te l'avait envoyée pour te faire honneur. Roland fut touché de cette attention. L'ange reprit. Je voulais t'en conduire une plus douce, mais Mahomet a dit que tu étais le meilleur cavalier qu'il connût et que tu saurais bien t'en rendre maître. Cependant, si c'est cela qui t'arrête, ajouta traîtreusement Namous, je puis te fournir d'autres moyens de transport. Le comte du Mans haussa les épaules et pour toute réponse sauta en selle malgré le poids de son armure, sans mettre le pied dans l'étrier et sans porter la main sur la crinière. Borak fléchit, puis s'élança dans l'espace, escaladant les nuages au triple galop. L'ange déploya ses ailes et prit les devants. Quand Roland revint de sa surprise, il était à la hauteur de la constellation du Scorpion. Il comprit que la colère n'était pas de saison, et s'étant assuré que Durandal était à son côté, il se résigna. Le voyage se fit sans encombre. Une seule fois le preux faillit perdre l'équilibre. Borak, effrayé par une étoile filante qui lui avait passé entre les jambes, avait fait un bond du bouvier à la balance. Enfin, au bout d'une demi-heure d'ascension, le cheval s'arrêta et l'ange frappa la plus grande des 8 portes du paradis. À peine fut-elle ouverte que Roland poussa un cri d'admiration. Comment pourrais-je, avec des termes humains, vous décrire tant de merveilles surhumaines? Je dois d'abord vous dire, mes enfants, que toutes les facultés de notre brave chevalier acquirent, en passant le seuil du paradis, des proportions inconnues. Ainsi sa vue, quoique bonne, ne lui permettait, sur terre, de distinguer les objets qu'à une assez faible distance. Quelle ne fut pas sa surprise en distinguant très nettement les êtres les plus microscopiques assis ou 700 lieues, sans que pour cela les lois de la perspective en fussent heurtées. De même pour Louis et l'odorat. Il a conté depuis qu'il respira avec grand plaisir l'odeur d'une fleur qui venait de s'épanouir dans une province éloignée, et qu'il écoutait en même temps le chant d'un oiseau inconnu qui vocalisait au pôle opposé. Son esprit était devenu si délié qu'il ne résultait pour lui aucune confusion de ce prodigieux perfectionnement de ses sens. Il embrassa d'un seul coup d'œil 2000 parasanges carrés de pays, et chaque parasange vaut un peu plus d'une lieue. La parasange, le parasang au masculin ou la parasang, farsang en iranien, farsak en arabe, est une ancienne unité de distance perse valant environ 5,35 km, voire 6 km. C'était la distance qu'on pouvait parcourir à pied en une heure. Source Wikipédia. Les forêts vierges de l'Amérique ne sont que des broussailles auprès de celles qu'il distinguait. Partout des villes éblouissantes de blancheur, surmontées de milliers de clochetons aux coupoles d'or et d'argent. Au pied de leurs murailles roulaient majestueusement des fleuves dans lesquels se seraient noyés le Rhin, l'Euphrate et le Nil. Rien de ce qui incommode les habitants de la terre n'existait dans ce pays enchanteur. Le lion, le tigre, le serpent, la panthère étaient les ornements des forêts. Ils se nourrissaient de verdure et se prêtaient aux usages domestiques avec une douceur parfaite. Point de vent, de la brise, point d'orage, une pluie parfumée, le climat de l'Italie sous le ciel de l'Égypte. Une légion ailée vint au-devant de Roland. Israfil, l'ange de la résurrection, la commandait. « Le prophète nous a envoyés vers toi pour t'annoncer sa venue. Que préfères-tu, nous suivre ou l'attendre ici ?»« Je vous suis. » Et il se rendit au-devant du cortège. Il remarqua avec stupéfaction que pour lui faire place, les forêts se reculaient, les fleuves changeaient leur cours. Il voulut s'assurer qu'il n'était pas le jouet d'un mirage, et il s'élança au galop vers un lac qui bordait la route. Le cheval ne refusa pas de sauter, mais l'eau s'éloigna avec respect, et il retomba sur une pelouse épaisse et fleurie. Israfil, ayant remarqué l'étonnement de Roland, lui dit « Le prophète a tenu à ce que tout ici te rendit hommage. Il sait que tu vas toujours dans la vie comme au combat, droit au but. Il a voulu te prouver qu'il connaît tes goûts et tes habitudes. » Roland continua son chemin. Ayant rencontré le cortège, il s'arrêta pour le voir passer. La terre alors, sans qu'il s'en aperçût d'abord, s'enfla sous les pieds de sa monture, et il se trouva au bout d'un instant sur un tertre du haut duquel il dominait la foule. Israfil fit un geste. Deux arbres sortirent de terre et projetèrent leur ombre sur le chevalier. Le comte Dumont, muet d'admiration, assista immobile au défilé. D'abord marchaient 1000 cavaliers. Chacun d'eux portait une oriflamme blanche et grenat. Cela montait des chevaux blancs. Ensuite en venaient 1000 autres couverts de cottes de mailles, armés de masses d'armes et montant des chevaux bais. Derrière eux, 2000 berbères des environs de Tombouctou agitaient des lances aux banderoles vertes et portaient au bras gauche le bouclier lantien à l'épreuve du sabre. Leurs chevaux étaient noirs comme leur visage. Puis 3000 autres cavaliers ayant pour ceinture des peaux de serpent. Ils avaient le bouclier de cuivre. Leur arc était pendu au trousquin de leur selle, et dans leurs mains brillaient de longues hastes garnies de crochets aigus. Leurs chevaux étaient Isabelle. Après eux marchait une armée composée d'autant de soldats qu'il y a de gouttes d'eau dans la mer. Ceux-ci, armés de lances ou de haches, ceux-là de javelots ou de massues. À 100 pas en arrière venaient 8000 éléphants, 25 de front, le premier rang composé d'éléphants blancs, le second de noirs, et ainsi de suite. Sur chacun d'eux, une tour mettait à l'abri 20 combattants. Derrière ceux-ci venaient 30 éléphants blancs parsemés d'étoiles d'or et si richement harnachés qu'on avait peine à les regarder sans cligner les yeux. Ces derniers servaient de monture aux épouses favorites du prophète, 20 sur chacun d'eux. Un dais éblouissant de blancheur, soutenu par 10 colonnettes d'argent, les abritait du soleil. 10 000 guerriers d'élite les entouraient. Enfin venaient des chameaux en nombre incalculable, tous chargés de palanquins dont la brise faisait flotter les tentures. Chacun d'eux était conduit par un Éthiopien richement vêtu qui tenait à deux mains le zimam ou bride nasale. Dans chaque palanquin, 10 houris, trop belles pour que vous puissiez vous les imaginer, agitaient leurs éventails. Puis encore 20 000 danseuses vêtues de chlamydes légères, les jambes et les bras nus. Sur leurs coups, dans leurs cheveux, on voyait, quand elles s'agitaient, comme un pétillement de pierreries qui vous forçait à baisser les regards. Leurs bracelets en jouant à leurs poignets, leurs périssélides en jouant à leurs chevilles, faisait entendre un cliquetis harmonieux et provoquant. Vous dirai-je le nombre des joueuses de sitar, de tambourin et de mandole, celui des choristes aussi? À quoi bon grouper des chiffres insuffisants? Ces houris n'étaient pas d'origine vulgaire. Mahomet avait composé leur corps de musc, de safran, d'ambre et d'encens. Leurs visages brillaient d'un tel éclat que dans la nuit ils resplendissaient doucement comme la lune lorsqu'elle monte à l'horizon au milieu des vapeurs de la terre. Leur voix était si suave que rien de ce qui tombait de leurs lèvres ne pouvait être indifférent. Derrière elles venait le prophète, vêtu d'une robe verte et monté sur une jument blanche. Il était le plus simplement habillé, le plus modestement monté, et cependant, on sentait les genoux vous fléchir en le voyant passer. À sa droite se tenait Abdelmotalep, son grand-père. À sa gauche, son père, Abdallah. Autour de lui, Ali, son cousin et son plus fervent disciple. Saïd, son enfant adoptif, les quatre sages de la Mecque, Varaka, Othman, Obaidallah et Zaïd, le fougueux Omar, Abou Bekr, son fidèle, et des milliers d'autres aussi fameux. 100 000 cavaliers fermaient la marche. À mesure que les troupes prenaient place, le paysage changeait d'aspect. Roland, absorbé par le défilé, n'y avait pas pris garde. Mais lorsqu'il jeta les yeux autour de lui, il se vit entouré de montagnes dont il n'apercevait pas le sommet. Ces hauteurs gigantesques, dont le conglomérat était formé de gneiss, de mica, d'agate, d'onyx, de trappe et de porphyre, disparaissaient à moitié sous des forêts dont la flore était empruntée à toutes les zones. Le baobab immense étendait ses branches auprès d'un groupe de palmiers dont les feuilles légères dessinaient leurs fines silhouettes sur le ciel. Le mohonono argenté contrastait avec le sombre motsuri. Le mupanda panda du centre de l'Afrique, le jacquier des Moluques, le chêne d'Europe confondaient leur feuillage. Des fleuves dont la source se cachait dans les nuages bondissaient de rochers en rochers, lançant à chaque obstacle un panache de fumée humide que traversaient des arcs-en-ciel. Les troupes prirent place sur les hauteurs, et Roland aperçut des nuées de cavaliers campés fièrement sur des pics inaccessibles. Les éléphants se placèrent sur deux lignes, 4 000 sur chaque rang. Devant ceux-ci se groupèrent les 30 éléphants blancs des favorites du prophète. Des anges parurent alors. Ils ouvrirent leurs ailes toutes grandes et tendirent leurs épaules aux 600 préférés qui y prirent place pour arriver jusqu'à terre. Elles vinrent à pied jusqu'au comte du Mans, s'inclinèrent devant lui et s'assirent à sa droite sur des tapis que l'on avait préparés. Les chameaux vinrent ensuite. Ils s'accroupirent doucement et les houris sautèrent du haut de leur palanquin avec une légèreté et une grâce qui étonnèrent Roland plus que le reste. Leurs pieds ne laissa même pas de traces sur le sable. Comme les favorites, elles s'approchèrent du héros, baisèrent la terre devant lui et se rangèrent ensuite à sa gauche. Alors, comme un flot, arriva la troupe des danseuses célestes au son des crotales, des flûtes, des théorbes, des tympanons, des cithares et des mandoles, au bruit des chants et de tous les instruments de gaieté. Leur ardeur s'accroît ou s'amollit au gré du rythme qu'elles accompagnent de trépignements cadencés et de battements de mains à double et à triple temps. Leurs yeux pleins de langueur tout à coup lancent des étincelles. Les hanches se balancent, les tailles se courbent et se redressent. Les bras s'agitent avec souplesse et avec grâce. Parfois un peigne, impuissant à retenir une chevelure trop abondante, vole et rend la liberté à des tresses plus sombres que le noir koel. Mais le prophète a fait un geste. Les danses cessent, et semblables à des oiseaux effarouchés, les houris fuient et vont se grouper en face de Roland à l'ombre des éléphants. Mahomet s'approche à son tour du neveu de Charlemagne. Celui-ci met pied à terre, ce qu'il ne manquait jamais de faire devant un vieillard. Que le Dieu qui a séparé les cieux et la terre, la lumière et la nuit, que le Créateur de toutes choses étende sur toi sa bénédiction dans ce monde et dans le tien, dit le prophète, sois le bienvenu parmi nous. Je sollicite toute ton indulgence pour le peu d'éclat de cette réception, mais notre entrevue a été en quelque sorte improvisée, et je n'ai eu le temps de me faire suivre que de quelques familiers et des troupes aujourd'hui de garde auprès de ma personne. J'aurais craint d'ailleurs, en m'entourant davantage, de paraître me défier d'un ennemi de la veille, dont je ne désire rien tant que de me faire un ami. Si je t'ai traité sans plus de cérémonial, c'est que je me suis senti porté à te traiter en frère. » Roland fit la grimace. Mahomet feignit de croire que le soleil l'incommodait, et sur un signe de lui, quatre anges s'envolèrent et étendirent devant le soleil un nuage rosé. « J'accepte tes excuses, » dit avec le plus grand sang-froid le comte du Mans, qui craignait qu'on ne voulût se moquer de lui. « J'aurais d'ailleurs également besoin d'indulgence, et si je suis venu ainsi sans suite, ne t'en prends qu'à mon désir de me rendre promptement à ton appel. » Après cet échange de politesse, Roland reprit. « Tu me pardonneras si je te presse de me faire savoir ce qui me vaut l'honneur de cette entrevue. Mais j'ai hâte de retourner sur terre. Je suis de garde ce soir auprès de l'empereur et je n'aime pas à manquer à mon service. » « Ne crains rien, » dit Mahomet. « J'ai arrêté le soleil. Nous avons tout le temps de causer. » « Je t'écoute. » « Il n'y a pas de plus vaillant chevalier que toi. Ton bras vaut une armée. » Ton jugement est sûr, tes décisions sont promptes. Combien me feras-tu payer ce panégyrique? Je te préviens, avant que tu ne poursuives, que, pour t'en donner grand prix, j'ai trop conscience de ma valeur. J'ai l'habitude d'offrir plus que je ne demande, sois sans crainte, et laisse-moi poursuivre. Dans ma jeunesse, on m'appelait El Amin, l'homme sûr. Je m'y connais en grandeur d'âme. « Et je sais que nul ne peut se dire plus loyal que toi. » Voilà un éloge qui m'annonce, à n'en pas douter, que tu as quelque trahison à me demander. Si c'est trahir que de quitter la mauvaise cause pour la bonne, renoncer à des efforts qui seront vains, saisir le bonheur lorsqu'on nous l'offre, j'ai en effet une trahison à te proposer. Par le Dieu en trois personnes! Tu attends un bon prix de compliments qu'on ne te demandait pas. J'en jure par la montagne, par le temple visité, par le toit sublime et la mer dans son plein, la vengeance céleste viendra. Rien ne pourra la suspendre. Les cieux ébranlés s'agiteront, les montagnes arrachées marcheront. J'en jure par le coucher de l'étoile. En vérité, voilà bien des serments. Quand nous avançons une chose, nous autres pré-chrétiens, on nous croit, sans que nous fassions intervenir le ciel, la mer et les étoiles, dit Roland en haussant les épaules. Aussi vrai que j'ai renversé les trois idoles de la Mecque, Lata, Alosa et Ménat, les chrétiens seront chassés d'Espagne et leurs terres envahies. Leur multitude sera dissipée et fuira honteusement. Leur heure est marquée. Elle sera amère et douloureuse. J'ai déjà lu tout cela dans le Coran, reprit le comte du Mans qui commençait à sentir la patience lui échapper. Cela ne me dit pas ce que tu veux de moi et pourquoi tu me fais perdre ainsi mon temps. Puisque l'avenir t'appartient, puisque tu es certain de notre défaite prochaine, rien ne s'oppose à ce que je retourne à mon poste. Oui, l'avenir est à nous. Et tu retardes seul la venue de l'heure glorieuse. Nous vaincrons, mais toi vivant, ce sera au prix d'énormes sacrifices. Pourquoi t'obstiner à retourner là où t'attend la mort? Je t'offre la souveraineté de cette contrée, ses richesses, ses femmes, ses guerriers, les peuplades de l'air, de la terre et des eaux, les astres qui se meuvent dans le firmament, tout ce qui est doué de raison ou d'instinct. L'être et la matière, tout en un mot, t'appartiendra et t'obéira sans réserve. Si le soleil t'incommode, la lune viendra le remplacer. Fais un geste, les fleuves se sécheront pour te laisser passer. Un peuple plus nombreux que tous ceux de la terre réunis ne respirera que pour te servir. Ces guerriers sont vaillants. À quoi leur sert d'être braves? Ils n'ont pas d'ennemis à combattre. Ses chevaux battent le vent à la course. Que me fait qu'il soit rapide? Il n'y a pas ici de but que je désire atteindre. Ces femmes sont belles. Elles sont belles en pure perte. Je ne les aime pas. Durandal est fameuse sur la terre, et cependant le dernier de ses soldats la couperait en deux en la frappant sur le tranchant de la pointe à la poignée. « Assez ! Je t'ai déjà dit que j'étais pressé !» interrompit Roland. « Tu n'as pas, je pense, l'insolence de te croire assez riche en merveilles pour me décider à commettre une lâcheté. Ton Dieu lui-même y devrait renoncer. Tu m'as dit que j'étais le plus vaillant des chevaliers. Le serais-je si j'avais peur de la mort dont tu me menaces ?»« Mon bras vaut une armée, as-tu ajouté. Ai-je le droit de priver mes frères de son secours au moment surtout où tu prétends qu'ils sont en péril ? Mon jugement est sûr ? Je prétends donner une preuve nouvelle en riant de tes menaces et en te prédisant une ruine totale. Mahomet et Jupiter se donneront bientôt la main et le croissant s'en ira où vont les vieux quartiers de lune. Tu ne veux rien entendre ? Je n'en ai que trop entendu. Vois ces femmes qui te tendent les bras. Elles me font trouver haut de plus belle. Vois ces contrées que je t'offre. Quel merveilleux pays vaut le coin de terre où l'homme est né. Roland, foi de Mahomet, tu ne reverras jamais ton pays de France. Avant d'être français, je suis chrétien. La patrie à laquelle j'aspire, c'est le ciel, et ce berceau-là, tu ne saurais m'empêcher de le revoir. « Chien d'infidèle ! » s'écria le prophète. « Je vais !» Ces mots n'étaient pas de ceux que Roland écoutait de sang-froid. Mahomet ne put achever sa phrase. Le gantelet du chevalier vint le frapper sur les lèvres.